laisser tomber. Devrais-je le regretter? Tu m'as débarrassé d'une vie bête à pleurer. Tu n'avais pas vraiment ce regard si troublant que j'attendais pourtant. Débarras.